Énergie Extravadance. Énergie Extravadance, partenaire officiel d'I Love Techno. Techno, le mix de Valentino Canziani. en direct depuis I Love Techno, le mix de Valentino Canziani. Sur Énergie. Sur Énergie. Énergie Extravagance. We'll be right back. sont venus tout droit de Slovénie. C'était le mix de... Et c'était, ça continue d'ailleurs, et ça continuera encore pendant quelques minutes. Valentino Canziani. Tout à l'heure, vers 3h, on se dirigera vers la salle Orange de Isle of Techno, toujours en direct depuis Gand pour retrouver les Allemands de Digitalism.